Melchior était en train de travailler, avec une concentration relâchée, engourdi par la chaleur du début d'après-midi, quand il reconnut avec un certain plaisir le pas léger et décidé d'Anna dans le couloir. Elle avait été une enfant enjouée et capricieuse. Du plus loin qu'il se souvint, il avait toujours aimé qu'elle l'interrompe, qu'elle touche à ses affaires ou qu'elle boive dans son verre. Et ce fut avec le sourire intrigué et indulgent qu'il lui réservait toujours qu'il l'accueillit encore une fois. Elle était vêtue d'une robe pourpre, si simple et si fluide, qu'elle drapait son corps sans l'habiller, et faisait apparaître ses épaules et ses jambes encore plus agressivement que si elle eût été nue. « Je peux te déranger quelques minutes ?» Melchior sourit et l'invita à entrer. « Je ne sais pas si tu sais, reprit-elle, mais ça fait 3 fois que je vois le vieux fou par la fenêtre. Léandri ? Oui. J'ai l'impression qu'il rôde par ici. Évidemment, inutile de te dire qu'Albe est dans tous ses états. » Elle a créé une barricade spéciale pour la nuit et disposé des pièges aux endroits où elle l'a perçu. Melchior ne parut pas prêter attention aux extravagances de leur sœur. « Qu'est-ce qu'il peut bien chercher ici ?» Anna haussa les épaules. « Va savoir. » « Il ne me fait pas peur. On dirait qu'il va mourir d'un moment à l'autre. » Melchior regarda sa sœur et comprit à son expression qu'il n'était pas venu lui parler du vieillard et qu'elle avait plus qu'épuisé les charmes de ce mystère avec Albe. « Je suis venu te faire part d'un projet qui me trotte dans la tête, » dit-elle avec un sourire appuyé. « Je t'écoute. Tu sais que je déteste m'ennuyer. Et c'est ce qui risque de m'arriver très rapidement si je ne trouve pas un homme à séduire. Je ne suis pas faite pour la vie contemplative, » ajouta-t-elle en regardant le plafond. Melchior souriait. « Et tu as, je suppose, déjà jeté ton dévolu sur une victime ?»« Exact. » Ils se regardèrent un moment, amusés. « Je suppose, » dit Melchior, « qu'il ne s'agit ni du vieux rôdeur ni de Gautier. » « Continue. Il ne peut s'agir que d'un homme jeune et séduisant, et comme je sais que tu aimes la difficulté, j'ajouterai que cet homme a déjà une maîtresse. »« Brug, » prononça-t-elle voluptueusement. « Brug, » répéta-t-il, « c'est une idée intéressante, n'est-ce pas ?» Melchior se souvint de Serena, pâle, brune, tragique, évoluant avec lui en désaccord troublant. « Tu n'as pas l'habitude des confidences gratuites, » dit-il. « Qu'est-ce que tu attends de moi ?»« Pas grand-chose. » Juste un dîner, lui, elle, toi et moi, et Albe. Ça m'étonnerait franchement qu'elle consente à se joindre à nous, mais peu importe. Elle pourra toujours s'enfermer à double tour dans sa chambre ou se cacher sous la table. Cela mettra un peu d'ambiance. Melchior se mit à rire. D'accord, dit-il. J'irai même jusqu'à me charger de l'invitation. Anna soupira d'aise, puis elle se leva, et alla examiner les objets qui traînaient sur l'étagère. Il y avait des choses familières, qu'elle n'avait pas vues depuis longtemps, et qui lui rappelait leur vie antérieure. Elle s'attarda, pensivement, sur un pendentif en argent. « Pourquoi est-ce toi qui l'as récupéré ?» demanda-t-elle. Melchior s'était replongé dans l'écran de son ordinateur et mit un certain temps à lui répondre. « Tu n'as pas voulu t'occuper des affaires de maman quand elle a disparu, et je n'y ai plus pensé après. Tu le veux ?» Anna avait le pendentif dans sa main gauche et le caressait de sa main droite, en un geste curieux qu'elle savait surgir de l'enfance. « Oui, je veux bien. Dis-moi. J'ai toujours voulu te demander. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Pour maman ? Oui. Exactement, je n'en sais rien. » Anna se tourna vers lui vivement et le regarda avec une gravité qu'il ne lui connaissait pas. « J'étais plus petite que vous, je ne comprenais pas tout. Quand elle s'absentait plusieurs jours et que papa faisait son travail, je me rappelle que j'étais terrorisée. Elle était dissidente, n'est-ce pas ? Mais qui en réfléchit un instant, oui. » Elle a toujours risqué sa peau sans se soucier de nous, je ne la plains pas. Melchior revit leur mère, les dernières semaines, dévorée par les insomnies. Moi, si. Anna eut un air inquiet et suspicieux. J'espère que tu ne fais pas la même erreur qu'elle, Melchior. Ne t'inquiète pas, dit-il sérieusement. Je suis une toute autre route. Elle soupira. Moi aussi. Elle accrocha le pendentif autour de son cou. Le bijou, pour une raison obscure, semblait avoir été fait pour qu'elle le porte ce jour-là dans cette robe pourpre. Dès qu'elle lui accrochait, son expression redevint limpide et insouciante, et Melchior songeait qu'il serait probablement le seul souvenir conscient qu'elle garderait de cette conversation.